je sors sur cette terre. Just a little. I try to play. Ready? Okay. Thank you. Thank you. donne pas à ma dose de soleil. D'accord, on endort la belle étoile sur ma ligne de vie. Je vais. Je mets un peu de blues, un peu d'âme, deux, trois notes, une envie de bonheur. Un peu de soul et je m'enflamme pour une vie de tout à écouler. To play new song, Dimka. Thank you. danse avec moi. Thank you. question. Enlacé, je n'ai plus le choix. À vous 15 en tour. Chemin enlacé, je n'ai plus choix. Ah, t'étais là, Philippe, j'avais pas vu. J'étais dans mon petit monde. C'est une chanson écrite par Klaus. C'était joli, non ?